JS and Beat. JS. Tell him Gucci. Hey. Oh, Waba. Hey. Inas. Yolingi topo mangonga na chombo. Menga na lukala. Olanda kayepo na kombo, papa. Esko zota la aj, na sangisi sangisi esali moko. Yangonga noko kisa bandoto, yobo mavi na yona bwata chitongo, mama. Esko ngana na tono, bizu bai, libere nou la lin. Ozo kochi salvaleur, Emmanuel apesi bai, libere moi la lin. Ozo kochi salonteur, Baninga hypocrite bai, libere moi la lin. Ozo kochi salonteur, Yonani, Ouchi wapi, Kombo na Yonani. Obanisa José Richard Emmanuel Yonan Limata Emmanuel Outiwap Juliette Emmanuel Obona Yonan Omega l'espoir de la jeunesse Fisan Ingani Soko Lingo Lobe la Patriage d'Afrique Pardon le bas moi le Fouzou L'Opre c'est ton de Ferrari Kerkouma Kombi Soko Lingo Lobe la Mabenanga Pardon le bas moi El Dieu le fatigable Foubato Libanda Les lions salifs Souffle Ganga Makas Napires Roboula Kayo Zambana Nanga Jusqu'à l'infini, double Hachigon Riaza. Honorable Kamara. Jalousie na yoni fine. Jordan, Sahir, Emmanuel le DG. Na yoni Boumayou. Sahir, Emmanuel le DG. Na yoni fine. Anthony Bikoumou. La coute. Ina Richard Kabalade. Boya Nonga Kaka na public. Nanda Kuyona Bana Bobina. Afro Congo, tu connais la devise. Devant nous, y'aura jamais de limite. Bomezana Kopotanga bêtise. Yango na pime la bino maloba Boko zwanga te bizuba na zolugala Boulo nda PDG Milex Boulo nda Conseiller Gilles Latron nda Kwelo Bachancel Mbemba de midi Boulo nda Boulo nda Boulo nda Ah Yona Aigle de Kawele Ouchi Lumbe le tsunami Kombo na Yonani Ozo bangi sanani ya yo nani DJ Antonio pa uti wapi Kombo na yo nani Ozo bangi sanani ya L'homme geso sanam Silver Gongula Shelan Kuka PDG Yimbe Tabiton Fou Sogyo Ligno Lobe la Kombo Nama Pedro Buranda Petit Jésus Pardon l'Oba moi ma casse Foubato Libanda Bayou Kasi S'il te plaît ganga ma casse Sogyo Ligno Lobe la ma casse Foubato Libanda Bayoka Grâce à la Tina Fouy Zourou Zidane Fouanon Wana Koutou Panja Sango et Ganga Une fois, deux fois, jusqu'à l'infini Arnaud Ambassa Souaza Caridad Sacha Mignon Pierre Oba Jalousie na yoni fine Jordan, Sahir, Emmanuel Ozo Jalousie na yoni boumayou Lucrèche Ngedoni Jalousie na yoni fine Na Kouta Kouzouba na yoni boumayou Abdoul Kabal de contrat mon congé pidan mon capitaine Pauli Gombomi Yves Sassou Kokosé